Chapitre 22e. Madame d'Alifar avait choisi un terrain avantageux pour elle en engageant la question comme elle l'avait posée. Elle connaissait son fils, et elle savait très bien que son amour filial était fait surtout de deux sentiments, une tendresse profonde et une certaine crainte respectueuse. La crainte, elle l'avait excitée en déclarant tout d'abord qu'elle ne consentirait pas à un mariage avec Juliette. La tendresse, elle l'avait émue en posant ensuite une question de préférence entre l'amante et la mère. Que ferait-il, emprisonné dans ces deux sentiments? Oserait-il se révolter contre la volonté qui lui avait été si formellement signifiée? Cela était peu probable. Cependant, à la rigueur, il était impossible que, poussé par la passion, il s'affranchît et recourut aux moyens que la loi offre à ceux qui ont dépassé l'âge de 25 ans. De lui-même, il ne voudrait assurément pas employer des moyens de ce genre, mais sous l'influence de Juliette, il pouvait très bien cesser d'être ce qu'il avait été jusqu'alors. Quelle était cette influence? Jusqu'où s'étendait-elle? C'était ce que Madame d'Alifar ne savait en aucune façon, et cela l'inquiétait. Juliette encourageait-elle cet amour? L'avait-elle fait naître? Le dirigeait-elle? Autant de questions qu'elle ne pouvait résoudre. Dans le doute, elle avait donc été obligée de ne pas s'en tenir à un ordre tout simple. Et c'était pour cela qu'après être sortie du salon si brusquement, elle y était rentrée après un moment de réflexion et avait fait appel à ses sentiments de tendresse filiale dont elle connaissait la puissance. Si, contre toute prévision, il trouvait dans les excitations de Juliette la force nécessaire pour user de son droit et s'affranchir de la volonté qu'on lui imposait, il était peu à craindre qu'il en vînt jamais jusqu'à refuser le témoignage de tendresse qu'on lui demandait. Comment pourrait-il préférer à sa mère une femme qu'il ne connaissait que depuis quelques années? Pour légitimer cette préférence, il faudrait des qualités extraordinaires qu'elle ne reconnaissait point à Juliette. Qu'avait-elle de plus que toutes les autres femmes? Une autre serait aussi jolie qu'elle, et cette autre aurait l'auréole que donnent les millions. Cependant, si bien combinées que fussent ses dispositions, elles ne parurent point encore suffisantes à Madame d'Alifar pour lui inspirer une complète sécurité. Elle ne savait guère ce que c'est que la passion, mais si elle n'en avait point l'expérience personnelle, elle en avait la peur instinctive. Elle se rappelait des histoires d'amour auxquelles elle n'avait pas attaché autrefois grande importance, mais qu'elle trouvait effroyable maintenant qu'elle pouvait la toucher personnellement. Pourquoi Adolphe, lui aussi, ne se laisserait-il pas prendre par la folie de la passion? Par plus d'un côté, il ressemblait à son père, qui était faible et chimérique, et ne fallait-il pas qu'il fût lui-même bien peu raisonnable pour s'être amouraché de Juliette? Est-ce qu'avant de devenir amoureux de la femme qu'il doit épouser un jour, l'homme sensé ne s'inquiète pas de savoir quelle est sa dot et quelles sont ses espérances? Décidée à ne point se contenter de la défense qu'elle avait signifiée à son fils, ni de l'appel qu'elle avait fait à sa reconnaissance en même temps qu'à sa tendresse, et voulant autre chose encore qui la rassurât complètement, elle se trouva assez embarrassée pour trouver cette autre chose. Alors, pour la première fois de sa vie, elle regretta de ne point avoir la science ou l'expérience de la passion. Si encore elle avait su à qui demander conseil, mais à qui s'adresser? Malade, on consulte un médecin. Pris dans une mauvaise affaire, on consulte un avocat. Pourquoi n'y a-t-il pas des avocats et des médecins pour les affaires et les maladies d'amour? Ou plutôt, pourquoi y a-t-il en ce monde un sentiment qui s'appelle l'amour? À quoi sert-il? L'ambition et l'argent ne sont-ils pas suffisants pour nous passionner et nous rendre heureux? Si elle avait cru possible de séparer absolument Adolphe et Juliette, elle eut recouru à ce moyen radical. Mais une telle mesure n'était véritablement pas praticable, car si elle avait la liberté d'inviter ou de ne pas inviter les Nélis chez elle, à Nogent, elle ne pouvait pas empêcher son fils d'aller chez Juliette ou de la rencontrer au Louvre toutes les fois qu'il voudrait se voir. Il n'était plus un enfant qu'on ne laisse sortir qu'avec sa bonne, et elle était sans autorité sur Madame Nélis, qui devait désirer ce mariage aussi vivement qu'elle-même le redoutait. Empêchée de ce côté, elle se tourna d'un autre et fit absolument le contraire de ce qu'elle aurait voulu. puisqu'elle ne pouvait pas l'empêcher de la voir, elle pensa que les dangers de ces rencontres seraient en partie neutralisés s'il ne la voyait pas seule comme autrefois, dans une étroite intimité et dans une sorte de tête-à-tête. Alors, les dimanches à Nogent devinrent des jours de fête, et elle invita tous ceux, ou plutôt justement toutes celles, qui pouvaient reléguer Juliette au second plan. Il suffisait qu'une femme fût jolie pour qu'elle voulût la voir à sa table. Si M. Dalifard avait pu revenir en ce monde, il n'aurait pas reconnu sa maison d'autrefois. Quelle n'eût pas été sa stupéfaction en voyant dans la cuisine, devant les fourneaux qui lançaient des étincelles, un chef vêtu de la veste blanche traditionnelle. Il n'eût pas voulu croire que cet artiste majestueux remplaçait la vieille Françoise, dont on vantait autrefois le talent pour la matelote d'anguille, le rognon de veau rôti et le gâteau de riz. Tout plat fameux naguère, qu'on méprisait maintenant, et dont on laissait l'auteur dédaigner dans sa cuisine de Paris. À table, il se serait cru le jouet d'un rêve quand un domestique à cravate blanche et en habit noir, se penchant sur son épaule, lui aurait doucement murmuré à l'oreille « Sauterne ou Madère ?» Du Sauterne ou du Madère chez lui, quand pendant 30 ans on n'avait bu qu'un petit vin blanc qu'il faisait venir directement des environs de Chablis, mais pas de Chablis même, parce qu'il aurait fallu payer la réputation de ce vignoble. Était-il chez lui, ou plutôt n'était-il pas chez un voisin qui faisait des affaires à la bourse, ne connaissait pas la valeur de l'argent honnêtement gagné, et ne pensait qu'acheter de la poudre d'or aux yeux de ses amis? Assurément, ce n'était pas sa femme qui faisait servir le champagne dans des coupes où il ne mousse pas, au lieu de le verser dans des 3 cornets, où quelques gouttes tombées de haut suffisent pour monter jusqu'au bord. Les pigeons ramiers eux-mêmes, qui de temps immémorial perchaient dans les vieux marronniers du jardin, se demandaient ce qui se passait d'extraordinaire. Que signifiait ce tapage dans la nuit du dimanche au lundi? Autrefois, ils pouvaient tolérer quelques paroles qui venaient troubler leur sommeil, mais maintenant, ce n'était pas seulement des paroles, c'était des bruits de toutes sortes, avec des mouvements de lumière qui les tenaient éveillés et effrayés jusqu'à 1 heure du matin. Comment se lèverait-il avec le soleil pour aller çà et là ramasser la pâtée de leurs petits si on ne leur permettait pas de dormir le soir? Serait-il donc obligé d'abandonner ce jardin honnête naguère qu'ils avaient choisi pour sa tranquillité, de préférence aux jardins environnants habités par des gens tapageurs? Pendant la journée même, il ne se sentait pas en sécurité. Avec les mamans et les grandes sœurs venaient des enfants qui grimpaient aux arbres, dénichaient les nids de fauvettes faits dans les bosquets et jetaient sans cesse des cailloux dans les branches. On était vraiment exposé. Cela devenait intolérable pour des oiseaux sédentaires et paisibles. C'était une jouissance bourgeoise qu'il leur fallait. Si on ne pouvait pas la leur garantir, on devait le dire franchement, ils verraient à déménager. Sans doute il leur en coûterait, parce que quand on est un nonné de pigeon, on tient à ses habitudes. Mais précisément pour cela, ils voulaient leur peau. Madame Dalifard avait attendu merveille de cette vie nouvelle. Il lui semblait impossible qu'Adolphe n'y trouvât pas des distractions qui diminueraient singulièrement le prestige de Juliette. Aussi sa surprise fut-elle grande de reconnaître, après quelques mois d'expérience, que le résultat qu'elle avait poursuivi n'était nullement obtenu. Son superbe cuisinier lui avait, il est vrai, présenté chaque semaine un mémoire long d'une toise, sur lequel elle n'avait guère trouvé à rogner, malgré ses recherches, embrouillée et intimidée qu'elle était par la kyrielle de noms inconnus dont il était surchargé. Son maître d'hôtel, si noble, la serviette à la main, lui avait cassé pas mal de verreries et ébréché plus encore de vaisselle. Son jardinier s'était plaint des dégâts que les enfants causaient chaque dimanche dans les jardins et dans les serres, où ils fourrageaient tout. Le cocher avait considérablement augmenté le mémoire de l'avoine, sous le prétexte que les chevaux des invités mangeaient toute la provision. Des fauteuils avaient été cassés, des canapés déchirés, le tapis de billard avait été crevé, des avirons avaient été perdus. C'était là le plus clair de ces réceptions qui donnaient tant de peine à organiser et qui coûtaient si cher, sans compter les critiques de quelques invités indépendants, qui ne se gênaient pas pour blâmer tout, condamnant le vallonnement des pelouses, préférant la Garonne à la Marne et faisant la grimace en dégustant les vins. Quant à Adolphe et à Juliette, ils avaient traversé cette période de fête sans paraître s'en apercevoir, ou tout au moins sans modifier l'un ou l'autre leurs anciennes habitudes. Toutes les fois que Juliette venait passer le dimanche à Nogent, Adolphe était d'une humeur charmante, aimable et gracieux avec tout le monde, plaisantant avec les mamans, jouant avec les enfants, causant et discutant avec les papas. Toutes les fois, au contraire, qu'elle ne venait pas, il était d'une humeur massacrante. On le voyait seulement à l'heure du dîner, auquel il assistait, présent de corps, absent d'esprit. Madame d'Alifard voulait bien dépenser son argent, mais c'était à condition que cette dépense la conduirait sûrement au but qu'elle poursuivait. Adolphe voulait bien voir des invités venir s'installer tous les dimanches à Nogent et disposer de sa maison comme si elle leur appartenait, mais c'était à condition que Juliette serait au nombre de ses invités. Mais si, de son côté, Madame d'Alifard voyait que son argent ne lui rapportait rien de bon, et si du sien Adolphe subissait l'ennui de convives qui lui étaient indifférents, sans le plaisir d'avoir en même temps devant lui celle qui lui faisait battre le cœur, il devait résulter de cette double déception que le fils autant que la mère et que la mère autant que le fils seraient mécontents. Ce fut ce qui arriva, et avec cette circonstance aggravante, qu'au lieu de s'en prendre aux difficultés de la situation, ils s'en prirent l'un à l'autre. « Comment mon fils, que j'aime tant et pour qui j'ai tant fait, peut-il me causer un pareil chagrin ?» se disait la mère. « Comment ma mère, qui était autrefois si bonne et si généreuse, peut-elle me voir souffrir sans être touchée de pitié et se départir de son entêtement ?» se disait le fils. Et de fait, il souffrait cruellement de la persistance de la volonté de sa mère, qui lui laissait peu d'espoir dans l'avenir. Et aussi, il souffrait de la situation fausse dans laquelle il se trouvait vis-à-vis de Juliette. Chaque fois qu'il voyait celle-ci, il l'entretenait, bien entendu, de son amour. Mais c'était toujours timidement, arrêté qu'il était par l'embarras de donner une conclusion à ses paroles. Que répondrait-il si un jour Juliette, mettant sa main dans la sienne, lui disait « J'accepte ». Elle paraissait s'attendrir et se laisser toucher par son amour. Que deviendrait-il si, tout à fait vaincu, elle lui disait ce mot qu'il redoutait autant qu'il l'espérait ? Les choses en étaient à ce point lorsqu'il trouva dans M. de Lavranche, le notaire, un concours inattendu qui avança singulièrement ses affaires.